Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radioactive, il est l'heure du MAG, votre rendez-vous avec l'actualité et les initiatives locales. Aujourd'hui, on revient sur un dossier controversé déjà abordé dans cette émission et qui concerne l'implantation du Da Vinci Labs sur la commune de Reny. Alors, petit rappel contextuel, ce projet d'implantation a suscité des débats, notamment autour de l'utilisation d'une parcelle initialement classée comme noyau de biodiversité, depuis déclassé, ouvrant donc la possibilité d'installation. Nous avons reçu récemment sur l'antenne des opposants de l'association Les Frondes Joyeuses et du comité local Greenpeace Tours qui ont exprimé leurs préoccupations au sujet de ce projet et qui ont déposé un recours contentieux en justice suite à ce déclassement entraîné par la modification du PLU, un dossier très technique. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Aubry, porteur du projet, pour qu'il puisse apporter son point de vue et répondre à certaines affirmations qu'il considère inexactes. L'objectif étant bien entendu de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux et de pouvoir s'exprimer sur notre antenne. Bonjour Xavier Aubry. Bonjour. Alors, je vous propose de démarrer par la même question posée à vos opposants lorsqu'ils sont arrivés, c'est qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est que le Da Vinci Labs. On parle de deep tech, est-ce que vous avez des exemples concrets d'activités qui seraient développées, qu'on puisse se faire une idée claire? Bien sûr. Alors, c'est avant tout un incubateur de technologie, plutôt qu'un incubateur de start-up que je trouve un peu réducteur. D'ailleurs, c'est un petit peu volontaire de la part du côté de le restreindre à ce qu'on appelle négativement la Start-up Nation. Mais là, en l'occurrence, on parle plutôt de technologies qui peuvent être portées par différents acteurs de la recherche privée, publique ou bien sûr des entreprises et particulièrement des start-up. Alors, nous, on travaille effectivement dans le domaine qu'on appelle la deep tech. En fait, c'est un non compliqué pour représenter des technologies qui sortent des instituts de recherche, qui ont souvent une forte composante en termes de brevets et qui ont été développées sur des temps très longs. On parle de 5 à 10 ans. Alors, un exemple qui est faux, le Da Vinci Labs ne supporte pas et n'a pas investi dans une entreprise qui fait de la viande artificielle, contrairement à ce qui a été dit sur votre antenne. Ce n'est pas du tout le cas. Ça ne fait pas partie de nos thèses d'investissement. Par contre, on a des activités dans 3 grands domaines. L'intelligence artificielle, notamment un projet en cours de surveillance des forêts en combinant des données d'observation satellite avec des outils d'IA, en gardant bien sûr en mémoire qu'il y a des effets rebonds pour l'IA, parce qu'on sait que l'IA consomme beaucoup d'énergie et d'eau, et donc il faut trouver des technologies, ce qu'on appelle par exemple l'IA frugale, pour réduire l'empreinte carbone de l'IA, mais l'IA en elle-même peut être très intéressante lorsqu'elle est utilisée pour, par exemple, faire du suivi de forêt, notamment dans un contexte de réchauffement climatique, dérèglement climatique et bien sûr les risques qui sont encourus par les forêts. On l'a vu en 2022 avec des forêts qui ont été particulièrement affectées par les épisodes de sécheresse. Pour ça, il faut pouvoir faire du suivi après, c'est l'objet de ce projet. On travaille aussi sur de la biotechnologie, donc là on travaille plus sur des solutions respectueuses de la biodiversité. Je pense par exemple aux alternatives aux pesticides, donc les produits de biocontrôle, c'est des produits parfois qui utilisent du biomimétisme ou qui utilisent des composés biologiques qui permettent d'aider quand même les agriculteurs sans avoir les effets très négatifs des pesticides qui viennent d'énergie fossile, par exemple. Et puis la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle les technologies quantiques, donc les nouvelles générations d'ordinateurs qui vont sortir dans les 5-10 prochaines années, qui permettront de faire des calculs très complexes, par exemple pour trouver de nouveaux matériaux qui permettront de remplacer les matériaux critiques des batteries, parce qu'on sait qu'on a besoin de batteries, mais on sait que ça prend aussi beaucoup de lithium et de cobalt, et qu'on en a en quantité limitée dans la Terre, et surtout que ça crée de gros problèmes à l'industrie minière, et on peut imaginer qu'on pourra faire des matériaux de synthèse, mais pour ça il faut du calcul très complexe qui ne peut pas être fait par des ordinateurs standards. Donc voilà 3 exemples concrets, et qui n'ont rien à voir avec la viande artificielle. Là, vous exploitez des terrains qui, vous me le disiez tout à l'heure, en discutant un petit peu avant cette émission, des terrains qui font peur à certaines personnes, parce qu'il y a une méconnaissance, selon ce que vous me disiez. Absolument. Je pense que la deep tech, parce qu'elle est complexe et qu'elle vient de la science, peut faire peur, surtout quand elle est mal expliquée. On l'a vécu pendant l'épisode de Covid. Ce qui nous a sauvés du Covid, ce sont les vaccins ARN messagers. C'est un très bel exemple de deep tech. Mais bien sûr, si on ne l'explique pas bien, on peut faire peur aux gens. Et c'est la même chose avec l'IA, avec le quantique, avec la biotech. On peut toujours voir l'aspect négatif. C'est exactement sur ce ressort que jouent les Frondes Joyeuses. En inventant un investissement dans une société de biens artificiels, un film de David Cronenberg, etc., etc., voilà, on fait peur. On fait peur avec la deep tech. Alors qu'en fait, la deep tech, elle peut être, bien sûr, elle peut avoir des effets négatifs ou des effets rebonds. Mais elle peut être aussi et surtout utilisée pour résoudre des enjeux sociétaux majeurs. Et c'est exactement sur ce terrain que le Da Vinci Labs veut se positionner. Utiliser ces technologies et les combiner, parce qu'on pense vraiment que l'innovation va intervenir à l'intersection de ces technologies, donc les combiner pour résoudre ou essayer de trouver des solutions aux problèmes sociétaux qu'on a en face de nous, qui sont évidemment majeurs. Alors, pour développer ces activités, vous avez besoin d'espace, de locaux, de laboratoires. Et vous avez choisi une parcelle rognoise. Alors, pourquoi cette parcelle? Pourquoi ici et pas ailleurs? Alors, le projet donc, du Da Vinci Labs, il a plusieurs volets. On nous dit souvent, oui, mais pourquoi avez-vous besoin de construire à Rogny puisque vous êtes déjà en opération dans les locaux de MAM à Tours. Oui. Alors, il faut savoir que dans les locaux de MAM à Tours, on a déployé la partie investissement, c'est-à-dire qu'on est capable, effectivement, depuis nos locaux administratifs de Tours, d'investir dans des startups. On l'a fait avec la société Lovaltech, par exemple. On prépare un autre investissement dans le domaine de l'environnement et de l'IA sur une startup basée à Orléans. Mais ces choses-là ne sont pas de la recherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'infrastructure de recherche. On participe à des projets de recherche, mais encore une fois, plus en fournissant des ressources de support, c'est-à-dire du management de projet ou des activités de dissémination et de communication. Si on voulait faire notre propre recherche, il faut bien sûr une infrastructure et donc un bâtiment. Alors, le bâtiment, il peut être à plein d'endroits différents. Il se trouve que l'objet de ce bâtiment, c'est l'étude de technologies qui vont améliorer un certain nombre de domaines, dont la biodiversité. Et pour cette raison-là, on souhaite le positionner dans un environnement naturel, puisque l'un des volets du bâtiment, c'est un observatoire de la biodiversité qu'on a commencé à déployer. On n'a pas de bâtiment, donc pour l'instant, on déploie que les caméras et les capteurs acoustiques. On ne pourra pas faire la version avancée qui inclut aussi de l'étude des sols et d'autres dispositifs plus pointus pour lequel il faudrait avoir une infrastructure sur place. Mais bien évidemment, quand on crée un observatoire de la biodiversité et que l'objet de ces technologies, c'est de mieux comprendre le vivant, il vaut mieux quand même être proche de ce vivant. Ce serait ridicule de demander à l'INRAE, à Nouzilly, de se relocaliser à Tours parce qu'ils consomment des terres agricoles et qu'il vaudrait mieux les rendre à la nature. Bah, de la même façon, le Da Vinci Labs, il est là pour la biodiversité, pour la nature, et donc il en est situé très près. D'autant qu'il est très peu consommateur. Là encore, hein, on parle d'une très petite surface par rapport à l'impact de ce projet. Mais vous comprenez qu'il y a des détracteurs de ce projet. Vous comprenez quand même leur position à eux quand ils se disent bah oui, mais si on est pour la biodiversité, alors pourquoi on abîme la biodiversité? Qu'est-ce que vous répondez à ça, finalement? Je pense que, comme dans le cadre de la loi zéro artificialisation nette, le mot important, c'est net. Net, ça veut dire il y a du plus et il y a du moins. Mais quand on combine tout, on doit être en plus. Là, c'est la même chose. Nous, quand on a acheté ce domaine de 19 hectares en 2018, la première chose qu'on a faite, c'est d'interdire la chasse. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait des pressions locales pour la maintenir, mais on est resté droit dans nos bottes, comme on dit, et on a interdit la chasse. Et puis, on s'est rapproché de la LPO pour mettre en place un refuge. Ça nous a pris 2 ans d'études avifaunistiques, on a fait des relevés, des inventaires avec les gens de la LPO, on a fait des études de chauves-souris, et puis on a mis en place ce refuge, on a mis en place un plan de gestion, on est en train de déployer des nichoirs supplémentaires, on a également créé des écosystèmes spécifiques avec une lagune de traitement des eaux, avec une parcelle sur laquelle on a remis des ronciers, et puis globalement, on a réensauvagé une partie, un exemple anecdotique, mais il y avait un terrain de tennis qui ne nous intéressait pas du tout, on l'a retiré, on a mis de l'herbe à la place. Voilà. Bon, ça c'est des choses simples, mais qui, bien évidemment, ont amélioré la biodiversité sur le site. Quand on a recréé les jardins du château Louis de la Vallière, il a fallu replanter de nombreux arbres et arbustes. On a calculé qu'on a à peu près 1000 sujets, c'est-à-dire arbres ou arbustes indépendants qui ont été plantés. Donc, tout ça a été fait. Et évidemment, aujourd'hui, on va toucher une partie mineure de la parcelle. On parle de 0,7 hectares, c'est-à-dire 4% du domaine. Et on va y toucher pour pouvoir mieux étudier la biodiversité. Donc, c'est un peu comme si, dans votre jardin de 500 mètres carrés, vous demandiez l'autorisation pour construire un cabanon de 20 mètres carrés pour y mettre vos outils de jardin. Et qu'on vous dise, c'est inadmissible, vous allez artificialiser 20 mètres carrés dans votre jardin de 500 mètres carrés, il faut absolument pas artificialiser. C'est exactement du même ordre. Donc aujourd'hui, sur le plan net, le domaine de la Vallière, il est gagnant et il le restera dans le long terme également, y compris après la construction du bâtiment. Les gens qui continuent à dire que c'est un scandale n'ont pas d'argument quantitatif. Ils se basent uniquement sur ce qu'on appelle le biais de sélection, c'est-à-dire qu'ils prennent le peu d'arguments qui les arrangent. C'est exactement le même raisonnement que pour les climato-sceptiques. Ça, c'est en général des gens qui vont regarder une courbe et qui vont regarder la partie de la courbe qui les arrange et oublier tout le reste. Et là, c'est la même chose. On oublie totalement tout ce qui a été fait pour la biodiversité sur le site et qu'on continue à faire tous les jours, parce que moi, je me lève tous les jours, je vais relever des caméras demain et je fais ça pour la biodiversité sur le site. On oublie ça et on se concentre uniquement sur les fameux 0,7 hectares qui vont être défrichés. 0,7 hectares, on ne parle pas d'une forêt ancienne, hein, on parle d'un taillis qui a été planté il y a une quinzaine d'années, malheureusement de façon trop dense, et qui ne présente pas d'intérêt sur le plan de la biodiversité. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a 118 pages d'études environnementales qui ont été faites par des experts indépendants. Xavier Aubry, je vous propose qu'on marque une petite pause en musique avant de reprendre ce dossier qui, vous l'avez compris, est complexe et voilà, occasionne beaucoup de levées de boucliers. La chanson que vous avez choisie, c'est The Hives. Avec quel titre ? C'est Walk, Idiot, Walk. Alors j'espère que le collectif le prendra au second degré et pas au premier, puisque au second degré, c'est une chanson qui parle de gens qui suivent aveuglément d'autres personnes sans réfléchir vraiment à ce qu'ils disent. C'est parti. Retour sur l'antenne de Radioactive après une pause en musique avec The Hives, Walk Idiot. Allez-y Xavier, redites-moi le nom. C'est Walk Idiot Walk, mais encore une fois au second degré. Hein, c'est justement pour dénoncer les personnes qui vont suivre d'autres sans esprit critique. Alors, pourquoi le choix de ce titre? C'est parce qu'aujourd'hui, on revient sur l'affaire Da Vinci Labs. Ce dossier qui consiste à l'implantation d'un centre, d'un laboratoire, finalement, on peut le qualifier... centre de recherche. Centre de recherche. Laboratoire, ça fait peur, c'est comme la deep tech. C'est vrai. Et qui suscite des débats. Pourquoi? Parce que la parcelle sur laquelle vous aimeriez pouvoir construire ce centre de recherche, eh bien, a été déclassée. Alors justement, sur cette notion de déclassement, Xavier Aubry, vous souhaitiez pouvoir apporter un petit éclairage là-dessus. Oui, alors c'est un dossier assez technique, donc je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais je vais quand même essayer un petit peu. On est dans le cadre d'une procédure qui s'appelle un STECAL, secteur de taille et de capacité limitée. En fait, le STECAL, c'est une façon de déroger à la règle de la zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience de 2021, de façon à permettre l'implantation d'un bâtiment dans une zone à l'origine pas constructible. Mais pour ce faire, il faut démontrer un certain nombre de choses, et notamment l'intérêt général. Donc il faut que ce projet ait un intérêt général. Alors c'est évidemment ce que dispute le collectif, qui visiblement considère que le centre de recherche pour des technologies environnementales ne représente pas l'intérêt général, ou alors que l'intérêt privé prévaut. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque je réinvestis mon patrimoine dans un centre de recherche en Touraine, c'est pas pour gagner de l'argent. Il y a très peu de centres de recherche qui gagnent de l'argent, je pense même qu'il n'y en a pas du tout, puisqu'en général, ils sont financés par des ressources publiques. On sait aujourd'hui que dans des circonstances de contraintes budgétaires, l'argent de la recherche est limité, et donc les partenariats publics-privés sont très importants. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le Da Vinci Labs. On collabore déjà avec des universités, comme Tours et Orléans, ou l'INSA à Blois. On travaille avec des sociétés, on travaille avec des pôles de compétences, et on essaie de le faire dans un cadre public-privé de façon à pouvoir améliorer et ajouter des ressources sur ces recherches qui ont un impact environnemental. Donc vous avez choisi d'investir dans un projet à risque. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait si je... On peut le dire comme ça. Oui, oui, tout à fait. Enfin, pour moi c'est du mécénat, je sais que les gens ont du mal à le concevoir, mais aujourd'hui quand on décide de faire un investissement, c'est quand même 30 millions d'euros en Touraine. Bah, la première partie de l'investissement c'était la réhabilitation du château Louise de la Vallière, c'est du patrimoine culturel. Ça ne rapporte pas d'argent. Désolé de le dire aux gens qui pensent que je suis un promoteur immobilier, mais ça n'est pas le cas. Et puis sur la partie centre de recherche, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle du mécénat scientifique. D'ailleurs, à terme, ces actifs sont destinés à être mis dans une fondation. Donc ils n'iront même pas à nos descendants, à nos enfants. Ils seront mis à disposition du plus grand public. Bon, ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Je peux concevoir que les gens qui s'opposent au projet n'aient pas réfléchi à cette dimension d'intérêt général et considèrent, voient juste ça comme un investissement immobilier ou alors une décision de convenance. Puisqu'on a souvent dit, oui, bah, M. Aubry veut juste construire à côté de chez lui. Ben non, il y a une vraie logique. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer des événements locaux avec un espace de réception dans le château et un espace de recherche au Da Vinci Labs, et ça fait sens. C'est ce qu'on appelle un lieu totem, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lieux comme ça exceptionnels dans lesquels des chercheurs de haut niveau vont venir se ressourcer, passer quelques semaines ou mois. On a eu la chance d'avoir le prix Nobel de physique 2022 qui a lancé le programme à la fin de l'année 2022, et on en aura, j'espère, beaucoup d'autres. Mais encore une fois, pour revenir sur l'histoire du déclassement de la parcelle, ça n'est pas le cas parce que dans le cadre d'un STECAL, en fait, il se passe plusieurs choses. D'abord, on définit sur la parcelle les choses auxquelles on peut toucher et celles auxquelles on ne peut pas toucher. Donc là, on est sur une parcelle de 2,9 hectares, je suis très précis. Sur les 2,9 hectares, il y a effectivement 0,7 hectares, c'est-à-dire une minorité de la parcelle qui est rendue constructible. Mais constructible uniquement pour ce projet. Si demain je change d'avis et que je veux construire un McDonald's, ça m'étonnerait, mais enfin on peut toujours tout imaginer puisqu'on dit que je fais de la viande artificielle, et bien si je voulais faire ça, ce serait bien évidemment interdit puisque le STECAL stipule que ces 0,7 hectares ne peuvent être utilisés que pour le Da Vinci Labs et que pour le bâtiment qui a été défini dans le projet. Je peux même pas changer les dimensions, la taille, la hauteur, etc. Et quant aux 2,2 hectares restants, alors là, bonne nouvelle, ils étaient en zone agricole avant. Et maintenant, ils sont en zone naturelle. Ça veut dire qu'ils sont mieux protégés qu'avant. Je ne peux pas déboiser quand je veux, où je veux. Je ne peux pas transformer ça en culture. Ça va rester une forêt, et de façon définitive. Donc, aux gens qui crient au loup, entre guillemets, il n'y en a pas dans notre parcelle, mais ils crient quand même. À ces gens-là, je dis non, la parcelle n'a pas été déclassée. Elle a été modifiée dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, on parle de net. Et là, il y a plus de parcelles qui est passée en naturel que de parcelles qui a été, entre guillemets, déclassée en zone artificielle. Parmi les choses que l'on a pu lire ou entendre, il y a notamment des collusions qui auraient été réelles avec la préfète Marie Laju. Alors, est-ce que vous souhaitez vous exprimer à ce sujet? Bien sûr. Alors, collusion réelle ou inventée, moi je vote pour inventée. D'ailleurs, je l'ai vérifié de moi-même. J'ai été très touché par ce qui s'est passé autour de l'éviction de Marie Laju parce que ça nous a été immédiatement reproché, sans enquête sérieuse. Il y a eu des journalistes qui se sont permis de faire des articles en disant des choses vraiment fausses, probablement téléguidés par l'entourage de Marie Laju, hein, ça a été fait volontairement. C'était principalement un écran de fumée destiné à masquer les principales raisons de son éviction. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle a été évincée parce qu'elle avait des rapports très difficiles avec la majorité des élus locaux. Et là, encore une fois, il n'y a que dans l'administration où on se pose des questions bizarres. Si vous êtes directeur général dans le privé et que vous décidez de licencier une personne qui a de très mauvais rapports avec tous ses autres collaborateurs, la personne est licenciée et il n'a pas à se plaindre de ça. Par contre, quand c'est une préfète et qu'elle a de très mauvais rapports avec ses collaborateurs de travail, en l'occurrence les élus locaux, là, par contre, ça devient un scandale. Il faut forcément trouver un bouc émissaire, en l'occurrence nous. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de tort. Ça nous a marqué. Je suis persuadé que plus de la moitié des membres des Frontes Joyeuses sont aux Frontes Joyeuses pour cette raison-là, parce qu'ils n'ont toujours pas accepté le fait que c'était un mensonge. Il y a eu des enquêtes. Moi, j'ai été contacté par des journalistes de Mediapart et de Politico. Mais bien évidemment, puisqu'il n'y avait rien à trouver, il n'y a pas eu d'article là-dessus. Ça s'est éteint très rapidement, mais dans l'intervalle, le mal était fait. J'ai été menacé de mort en janvier 2023, j'ai été sous protection de gendarmerie pendant 3 semaines. Je n'aurais jamais imaginé, après avoir passé 25 ans à l'étranger dans différentes activités d'investissement et de technologie, me retrouver dans cette situation-là en Touraine. Et ça a été vraiment le fait de cette campagne de désinformation qui s'est arrêtée très vite, mais qui a malheureusement terni l'image du projet à long terme. Alors, vos opposants des Frontes Joyeuses, vous les évoquiez à l'instant, il y a une chose qu'ils regrettaient lorsqu'ils sont venus sur cette antenne il y a quelques semaines maintenant, c'est le fait qu'il existait des sites alternatifs possibles pour implanter votre bâtiment, mais que vous n'auriez pas donné suite à ces études. Là encore, vous souhaitiez pouvoir répondre à cela. Là, il y a une volonté de masquer la réalité, hein, puisqu'il existe effectivement une parcelle constructible juste à côté de celle qui a été sélectionnée, qui est une parcelle qui ne nous appartient pas, mais qui aurait pu nous être mise à disposition par la mairie. C'est une parcelle qui, à l'époque, était constructible. Il y a un menuisier qui en occupe une partie. Et puis le reste de la parcelle a été, entre guillemets, restituée à la nature, puisqu'elle fait l'objet actuellement d'agriculture biologique. Alors évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas simplement utiliser la parcelle constructible plutôt que d'aller défricher la nôtre ? Mais on a immédiatement découvert que les études satellites nous montraient la présence de zones humides beaucoup plus larges que celles qui étaient présentes dans notre parcelle. Donc là, pour le coup, on n'aurait pas pu éviter la zone humide, ce qu'on a pu faire en grande majorité sur notre parcelle. Puis surtout, est-ce qu'il faut aller retirer une parcelle en agriculture biologique pour construire quelque chose ? Ça ne me paraît pas très intéressant pour la société et pour la nature. Et puis de toute façon, cette parcelle-là, elle aurait nécessité toute une procédure d'attribution et d'études environnementales, donc ça aurait été exactement la même chose. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y a des arbres de moins de 15 ans sur l'une, il n'y en a pas sur l'autre. Et ça fait une grosse différence, parce que vous pouvez imaginer que sur un plan paysager, mettre un bâtiment sur un terrain nu, ça n'a pas du tout le même impact paysager que de le mettre au milieu d'une clairière dans une parcelle boisée. Donc, c'est pas nous qui avons refusé, parce que nous, on était prêts à construire là-dessus, ça nous intéressait. Mais c'est la mairie qui, d'ailleurs, à juste titre, a dit non, nous, c'est pas l'objet, on ne souhaite pas prendre cette parcelle à l'agriculture biologique. D'autant plus que dans le cadre du PLUI, elle sera restituée à la nature. Et là, je reviens sur le concept de zéro artificialisation nette, sachant que le mot important, c'est net, puisqu'aujourd'hui, on sait que la mairie de Rosny, dans son objectif de transition, va remettre en fait des terrains, des parcelles en zone naturelle, des parcelles qui aujourd'hui sont constructibles. Et c'en est un bel exemple. Et cette surface sera largement supérieure aux 0,7 hectares qui ont été prélevés sur notre site pour les artificialiser. Donc au bout du compte, encore une fois, sur le plan de la commune de Rosny, la nature est gagnante. Alors le projet actuellement il est à l'arrêt hein, puisqu'un recours contentieux a été déposé par les Frondes Joyeuses et les autres associations puisqu'il s'agit d'un collectif hein, qui sont Non c'est opposés. Que les Frondes Joyeuses en l'occurrence il n'y a pas d'autres associations qui ont souhaité se positionner, ce qui en dit long sur la validité des revendications. Ils ont toutefois des marques de soutien de la part de différentes autres associations mais aucune d'entre elles, oui mais enfin je suis d'accord, je suis d'ailleurs très surpris que Greenpeace en tout cas le groupe local en Touraine se soit positionné sans connaître le dossier. Mais le recours, il est fait au nom de personnes individuelles, parce que personne n'a souhaité, en tant qu'association, s'y mettre. Alors que normalement, un recours, c'est toujours une association. Et ils en ont contacté beaucoup. Ils sont allés voir la CEPANT, la LPO, etc., etc. Tous les gens leur ont dit non, c'est un mauvais combat que vous menez. Donc là, ce dossier, il en est là. Si vous venez à aboutir, et à pouvoir installer votre centre de recherche, vous aurez, dans les conditions légales de la loi ERC, hein, donc ERC, qu'est-ce que c'est ? Éviter, réduire, compenser, justement le devoir de compenser. Alors, quelles sont les compensations que vous pouvez aujourd'hui exprimer sur cette antenne ? Alors ça, c'est très important. Alors, je veux revenir sur le E et le R de ERC, parce qu'on m'a aussi taxé de ne pas les avoir respectés. En réalité, il y a eu un grand nombre d'efforts qui ont été faits sur la partie évitée, puisque notamment la zone humide a été évitée, sauf pour 300 m², ce qui reste une zone minime qu'on ne peut pas éviter, parce que là, en l'occurrence, il faut un chemin d'accès. Réduire, on l'a également fait, puisque le projet initial était beaucoup plus large en termes de zone d'implantation et qu'il a été volontairement rendu plus compact, de façon à limiter le défrichement et l'artificialisation. Donc il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour respecter le E, éviter, et le R, réduire. Quant à compenser, bien évidemment, c'est également prévu, puisque quand on parle de défricher, ben, on va aussi replanter à l'équivalent, voire plus. On a déjà planté 1000 arbres et arbustes, vous pouvez bien imaginer que ça ne nous fait pas peur d'en planter dans d'autres zones de notre domaine de 19 hectares. De la même façon, la zone humide sera compensée au double. Alors ça, c'est important à savoir, parce que quand on touche une zone humide de moins de 1000 m², légalement, on n'a pas besoin de compenser. Or, nous, de façon volontaire, on a choisi de compenser, c'est-à-dire de reconstituer ou d'améliorer une zone humide sur le même versant de bassin. Il se trouve qu'on a une parcelle à peu près équivalente plus proche du château où on pourra justement améliorer les caractéristiques de la zone humide. Alors, zone humide, ce n'est pas un marais, hein, c'est simplement un biotope particulier, des caractéristiques du terrain qui le rendent zone humide. Et c'est ce qu'on va essayer évidemment d'améliorer également. Donc, tout ça est prévu. Sur le site en lui-même, dans la fameuse zone partie nature qui a été convertie maintenant de agricole en naturel, on met en place des mares et des noues pour la gestion des eaux pluviales. Donc il y a énormément de travail qui a été fait aussi pour réfléchir sur l'intégration sur le site et comment améliorer l'existant. Et l'idée étant vraiment de démontrer qu'à la fin, on aura plus de biodiversité qu'avant. Ça, c'est le challenge que je me suis fixé. On va pouvoir le suivre en temps réel puisqu'on a un observatoire de la biodiversité avec des caméras et des capteurs bioacoustiques. Donc, on a déjà fait 16 000 observations. On est capable de savoir en temps réel les mammifères, les oiseaux, les chauves-souris. Et on va simplement regarder aujourd'hui ce qu'on a. Et puis plus tard, quand le bâtiment sera là, ce qu'on est capable de voir, les déplacements, les relocalisations d'espèces, de façon à voir si nos mesures de compensation ont porté leurs fruits. Parce que l'intérêt de la compensation, c'est pas juste de dire j'ai compensé, mais c'est de voir le résultat de la compensation. Or ça, très peu de gens le font. Nous, aujourd'hui, on va le faire sur notre site. Très bien. Vous étiez vétérinaire de formation, je crois. Oui, alors ça m'était beaucoup reproché par Alexia Didou, qui est elle-même vétérinaire et qui a décidé que c'était inadmissible que je fasse ce projet en tant que vétérinaire. Alors, ben oui, moi je suis vétérinaire, je ne le cache pas. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à revenir en France et vers mes amours initiales qui sont de protéger la nature et la biodiversité. Moi, j'ai choisi de le faire d'une façon particulière que Alexia Didou n'accepte pas. Mais je dois dire que je suis assez surpris de voir le profil des personnes du collectif qui me sont opposées. Je pense par exemple à Jean-Manuel Bluet, qui a travaillé 10 ans chez Nestlé entre 2010 et 2020, et dont une des activités principales, c'était la gestion de la communication autour de l'huile de palme durable. Alors, je irai vous renseigner sur l'huile de palme durable et ce qu'a fait Nestlé entre 2010 et 2020, et vous vous rendrez vite compte de ce qu'on appelle du vrai greenwashing. Moi, j'ai été accusé de greenwashing, mais là, pour le coup, on en a du vrai. De la même façon, je suis estomaqué quand je vois un ancien conseiller municipal, maire adjoint à l'urbanisme, Daniel Perrin, qui, à l'époque, en 2019, nous a reçu le descriptif du projet, a ensuite, immédiatement, dans les jours qui ont suivi, envoyé une demande à la communauté de communes pour faire ce changement de PLU. On a le document en mairie. Si des auditeurs sont intéressés, je peux absolument le renvoyer. Document estampillé de la mairie qui montre bien que Daniel Perrin était parfaitement en accord avec le projet. Mais ce même Daniel Perrin, en 2023, suite à l'éviction de la préfète, a décidé que, au contraire, c'était inadmissible et qu'il s'agissait d'un passe-droit. Passe-droit qu'il avait lui-même attribué, puisque c'était lui qui avait lancé toute cette procédure et qui l'avait rendu possible. Donc là, je ne comprends pas les objectifs du collectif. Je pense vraiment qu'il y a deux parties. Il y a des activistes qui se trompent de combat. Il y a tant d'autres combats importants. Je peux comprendre qu'ils soient sincèrement motivés par une volonté de protéger la nature, mais je ne comprends pas quand on se permet de comparer un centre de recherche technologie environnementale avec une méga usine, une plateforme logistique ou l'A69. On n'est pas du tout dans le même registre en termes de taille et en termes d'impact et en termes d'intérêt général. Et puis surtout, il y a tant d'autres combats importants à mener. C'est ça ce quoi les Françaises devraient s'occuper. Ils devraient s'occuper de vrais dossiers et pas de dossiers inventés pour des raisons politiques. Parce que je crois que la deuxième partie, malheureusement, c'est une affaire politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé, par vengeance politique, et là, directement, une partie de l'échiquier politique très, très à gauche, qui a décidé de détruire ce projet à la suite de l'éviction de Marie Lajoux. Et je ne peux pas accepter qu'un projet d'intérêt général soit mis en danger par des considérations bassement politiques. Bien écoutez, Xavier Aubry, merci d'être venu apporter votre point de vue. Vous aviez évidemment un droit de réponse par rapport à la précédente émission avec les Frontes Joyeuses et Greenpeace Tour. Bien évidemment, les personnes citées dans cette émission ont tout à fait, elles, à leur tour, la possibilité de venir s'exprimer sur notre antenne. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de parler de cette affaire puisqu'on n'en est pas au point final. Merci Xavier Aubry. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain à 18h pour un nouveau numéro.